cœur de flamme règne, nos lyriques sans l'essence. Adolescence perturbée, élément perturbateur. D'après les dires des professeurs et des détracteurs, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche pour me refaire règne. J'ai du corps et des bouches, pas favorable à l'embauche. J'ai jamais su ce que je voulais faire, à part niquer des mères. Crois au regard de travers, c'est à travers mes lyriques, frère, que la rue me découvre. 9-3-9-4, tous mes rails s'y retrouvent. Pour ceux qui l'ont oublié, les genoux sont pliés. Que devant Dieu raye, t'attends pas à nous voir supplier. A chacun son supplice, on s'y plie, moi je roule un pli. Pour les jaloux et parasites, la rue en est remplie. Donc je remplis ma feuille blanche d'encre noire. Mes rues sont sombres, moi j'ai appris à tenir la route même dans le noir. J'ai trop le noir et j'en ai marre, obligé de me mettre à la mode. Les bouffons font les fous parce que c'est à la mode. Et ouais mon pote, moi je suis le même depuis la primaire. Depuis mes premières prières, j'ai trop le noir frère. Et ça date pas d'hier. À qui tu crois l'affaire, et puis tu hantes ça l'affaire. 9-3-9-4, ça se bouscule quand y'a du sale à faire. La faucheuse est passée, je crois que c'est pas nous qu'elle cherche. C'est pour ceux qui savent que la vie d'un rey ça vaut cher. Le chemin est semé d'embûches, mais allez, j'suis une épreuve de plus. Je ne m'en dépatant, je trouve pas ça épatant d'épater. La galerie, je les vois venir, ils me font que ce galerie. Ils verront pas la différence entre une erreur et une connerie. J'sonne l'alarme, l'alarme à l'œil quand on se porte l'œil. Trop d'orgueil, tu portes tes couilles mais pas ton cercueil. Une passe suffit pour te mettre hors circuit. La rue est ivre, viens vivre, demande pas c'est qui. Tu veux savoir qui est qui, regarde qui dit quoi. Quand tu sauras qui fait quoi, tu sauras qui est qui. La rue t'accueille à bras ouverts, sur péril de la mort, mis à mort. La haine du ghetto nous a mis une mort. J'mets le beat en mille morceaux, so, j'suis pas morceau. Viens vivre, hey, au pied sur le morceau. Toujours un morceau de shit dans les chaussettes. Tout niqué dans ce bled avec mes rails, ouais c'est chose faite. Fuck les traîtres, rien à foutre, ouais c'est pas ma faute. Fais belek, les faux frères nous poussent à la faute. Y'a faux, y'a la fuite, obligé d'être futé. Transac illicite, les taufs seront pas floutés. Nique sa mère, c'est la merde, t'inquiète mon amertume. Te tourne autour des thunes, mais on n'arrive pas tous au tunnel. Ça roule presque des pelles, juste pour te mettre une pilule. Les vrais amis se font rares comme les vrais poumons en cellule. T'as au moins créé retour de flamme. Entre l'engrenage et le mauvais conseil, les portes en boîte à poignée de main, moi c'est la pensée, mon conseil. On s'est ruiné, épuisé, à prendre davantage. Toujours à l'affût, là, mon punel sous le bandage. Maudit, cette époque, on est bon qu'à baisser le fut, à piétiner les autres, à jouer de la flûte, répéter des discours saoulants. C'est la même du nord au sud, pêche, dédicace tous mes insolents.